Avec la droiture, on gouverne le royaume. Avec la ruse, on fait la guerre. Avec le non-agir, on devient le maître de l'empire. Comment sais-je qu'il en est ainsi de l'empire? Par ceci. Plus le roi multiplie les prohibitions et les défenses, et plus le peuple s'appauvrit. Plus le peuple a d'instruments de lucre, et plus le royaume se trouble. Plus le peuple a d'adresse et d'habileté, et plus l'on voit fabriquer d'objets bizarres. Plus les lois se manifestent, et plus les voleurs s'accroissent. C'est pourquoi le saint dit « Je pratique le non-agir, et le peuple se convertit de lui-même. J'aime la quiétude, et le peuple se rectifie de lui-même. Je m'abstiens de toute occupation, et le peuple s'enrichit de lui-même. Je me dégage de tout désir, et le peuple revient de lui-même à la simplicité. »